Toujours à la même occasion, la radio CLO du Pérou a présenté la Corée le 7 courant. Avec les données bien fondées, elle a dénoncé que les impérialistes japonais qui avaient occupé militairement la Corée au début du siècle passé ont causé tous les malheurs et souffrances aux Coréens pendant la domination coloniale de plus de 40 ans. Ensuite, elle a exalté les exploits mortels du président Kim Il-sung qui a organisé et conduit la dure lutte armée anti-japonaise de 20 ans et qui a mis fin à la domination coloniale cruelle des impérialistes japonais et libéré la patrie.